malade, mon bébé, silencieux comme le canon. J'ai pas de SGV et des diamants sur le médaillon. Il a visé la tête, plus aucune lueur dans les pupilles. Dans la tech, je me revois implicando dans la zine cuit. Mauvais Joe, mauvaise idée, on verra peut-être pas le matin. Cloqueto, des gros billets, c'est ça qu'apaise mon chagrin. Mauvais Joe, mauvaise idée, on verra peut-être pas le matin. Cloqueto, des gros billets, c'est ça qu'apaise mon chagrin. J'ai le feu sur moi, 32 bastos, chérie, je peux pas zouker. Tu connais quoi, pas et la gosse, juste le temps d'un couplet. Cara Montego Bay, Republica Dominicana. Je demande la paix dans mes prières, niveau petit, j't'ai en vrai, ça va. Cramé dans la city, le bac m'appelle pas le nom de famille. Si je suis pas enfermé ce soir, je finis dans tes bras. Je connais pas les limites, j'aime pas trop les nouvelles compagnies. Garave dans un M3, je me demande si tu penses à moi. No love, no love. Outside is a cold world, I know. For me, I got to stay strong. I no go fit to give up, no fit carry last though. No love, no love. Outside is a cold world, cold world. Greatness was a matter of time. See the ladder we climb, it could shut down your mind. But it relentless, I'm stubborn and white. The walk on me shining bright like a diamond. No star waiting, you know go fit to finish. I know be just we need it. Be dribble like a Ronaldinho. Oh yes, they must listen. When I be serving what I'm cooking in the kitchen. Zoom bam body way. Me I go follow fire with my motto. They no go fit block my way. Me I go zoom zoom fire for the highway. Dans la city, le bac m'appelle pas nom de famille. Si je suis pas enfermé ce soir, je finis dans tes bras. Je connais pas les limites, j'aime pas trop les nouvelles compagnies. Garave dans un M3, je me demande si tu penses à moi. No love, no love. Outside is a cold world, I know. For me, I got to stay strong. I no go fit to give up, no fit carry last though. No love, no love. Outside is a cold world, I know. Me I go follow fire with my moto. They no go fit clock my way. Me I go zoom zoom fire for the highway.